mix, ça monte sur la scène, ça le démarre au cric. Stanley TND, des potos, c'est magnifique. Tu m'as fait mal à la tête, j'sais pas poto, en ce moment tu def. On est en famille, y'a des grosses têtes et des gros Pfizer. Elle m'envoie des DM, elle est tankée. J'l'ai vu en vrai, elle est claquée. Ramène tes copines, j'ai des potes qui sont calmes, j'suis bangé. Y'a les chemises dans le rétro en détaque. J'fais ça, moi j'm'arrête à la lune. On est toujours classe, même avec Père d'Azix et Engine. On fait affaire à Milano, dans le réseau, c'est le mercato. M-branche, elle fait le signe, vaillant Gambi.